Je te laisse pour un long moment. Rien dans ce monde ne me tient. Thank you. journée. Adieu, triste amour. Pense à moi un peu moins chaque jour. Bonne journée. Adieu, triste amour. Pense à moi un peu chaque jour. Thank you.

Thank you. Thank you.